Chapitre 18e. La poursuite en auto. Monsieur Laurent comprit qu'il n'avait pas à essayer seulement de plaider sa cause, de tenter de faire revenir cet homme buté sur sa décision impitoyable. Peu après le départ de son beau-père, il prit le parti de se retirer et se fit conduire à la chambre qui lui était destinée. Il dut passer devant la chambre de M. Billement, et songeant à l'épais, au massif coffre-fort qui se trouvait dans cette chambre, et qu'il savait toujours bourré de valeur, d'argent, il ne put s'empêcher de soupirer et d'esquisser un geste de colère, de rage, de haine. Quant à M. Billement, il fut pris par ce bon et large sommeil des gens qui toute la journée ont vécu au grand air, et un obus éclatant près de lui ne l'eût pas réveillé. Son sommeil profond était surveillé par un homme qui, à la tête de son lit, tenait à la main, tout prêt à le lui appliquer sur le visage au moindre mouvement de réveil, un masque de caoutchouc plein d'ouate. Pendant ce temps, deux hommes pillaient ce fameux coffre-fort que connaissait M. Laurent et dans lequel il savait que se trouvait de quoi le sauver au moins 10 fois. Ces deux hommes, vêtus de costumes sombres, très ajustés, opéraient posément, quoique rapidement et tout à leur aise. Ils firent un choix de ce qu'ils voulaient emporter, roulèrent les billets de banque en tas, s'en servirent pour caler les piles d'or et d'argent et serrèrent le tout pour éviter le bruit dans une sorte de long sac en toile. Ce sac se liait avec des courroies et se portait en bandoulière, laissant libres les bras et les mains et ne gênant en aucune façon. L'opération finie, les hommes fermèrent le coffre-fort, se retirèrent aussi prudemment, aussi silencieusement qu'ils étaient venus, et sortirent de la maison sans laisser la moindre trace de leur passage. Ils ne traversèrent pas le jardin ouvrant sur la route, se gardant bien de passer par la grille, mais se dirigèrent à travers une façon de petits bois de sapin qui se donnait des airs de parc derrière la maison. Ils se trouvèrent devant le mur qui entourait la propriété et se dressaient ici en plein champ. Une échelle de corde mince et solide pendait. De l'autre côté, deux hommes tenaient fortement l'échelle. Quand les cambrioleurs, ayant en toute tranquillité franchi le mur, se trouvèrent auprès de leurs compagnons qui ramassaient l'échelle, tout à coup un coup de sifflet strident retentit non loin d'eux. Pendant qu'interdits, surpris, ils restaient anxieux, cherchant à comprendre ce que signifiait ce signal, un homme soudain bondit sur le groupe qu'il formait et entama lui seul la lutte contre 5. « Paulin Broquet !» s'écrièrent les bandits, qui sur leur visage rabattirent aussitôt des cagoules de soie noire. Mais ils ne rabattirent pas assez vivement ces cagoules pour que les yeux perçants de Paulin Broquet n'aient pu apercevoir le visage de l'un d'eux et le reconnaître. « Le comte de la Guérinière !» s'écria-t-il, et il bondit sur lui, bousculant ceux qui cherchaient à lui barrer le passage. La lutte avec ces 5 hommes ne devait pas arrêter le détective dont la bravoure était merveilleuse. Paulin Broquet s'était courageusement précipité sur les 2 hommes qui portaient le butin et entama le combat. D'un coup de poing magistralement envoyé, car Paulin Broquet était un boxeur merveilleux, il avait jeté à terre un de ceux qui portaient le costume collant sombre. Il s'attaquait maintenant au second des cambrioleurs, celui en qui il avait reconnu le comte de la Guérinière, et il cherchait, avec une ardeur que l'on comprend, à le maîtriser, à s'emparer de lui. Il venait de rouler sur le sol avec lui. Tout en luttant, il appelait ses hommes. « Par ici, par ici !» Mais les compagnons des 2 cambrioleurs se jetèrent sur lui, l'écartèrent, lui arrachèrent son prisonnier qui se releva vivement et bondit en arrière. Le comte de la Guérinière allait échapper à Paulin Broquet. Mais le détective se releva aussitôt et de nouveau sauta sur lui, écartant à coups de poing ceux qui s'étaient tenus au pied de l'échelle et défendaient le comte maintenant. Il recommença le combat avec plus d'ardeur encore, plus de fougue. Il saisit le comte si fortement qu'une partie de son vêtement lui resta entre les mains. Cependant, un des hommes se dégagea, fit un pas en arrière et porta à Paulin Broquet sur le crâne un coup terrible avec une massue en caoutchouc. Paulin Broquet voulut parer le coup, il n'y parvint qu'à demi et fut atteint à la tempe. Il tomba sur le sol, la figure ensanglantée, ayant perdu connaissance. Ses adversaires alors s'enfuirent. L'un d'eux cependant se pencha sur lui, le regarda et en anglais s'écria « Dead !» et il courut rejoindre ses compagnons. Les hommes de Paulin Broquet, qui surveillaient chacun un des côtés de la propriété de M. Billement, très grande, avaient bien entendu le coup de sifflet du chef. Ils avaient répondu et ils accouraient aussitôt, mais ils étaient loin, avaient à courir pendant plusieurs minutes avant de le rejoindre. Quand ils arrivèrent sur le théâtre du combat, Il était trop tard. Les bandits avaient fui, emportant celui des leurs que Paulin Broquet avait si fortement endommagé de son coup de poing terrible, et ne laissèrent même pas sur le champ de bataille le morceau d'étoffe arraché par le détective à l'habit du comte de la Guérinière. Ils sautèrent dans leur auto, qui stationnait tout près de là à l'abri de quelques arbres, et ils filèrent à toute vitesse. Mais le chauffeur de Paulin Broquet lui aussi avait entendu le coup de sifflet, et il était accouru à tout hasard pour prêter main forte, de sorte que la voiture se trouvait maintenant à peu de distance de là, sur la route. Gabriel et l'amorce ne s'arrêtèrent pas à rechercher ce que le chef avait en ce moment. S'étant assurés qu'il respirait encore, cela leur suffit. Ils le transportèrent dans l'automobile, et le chauffeur se lança à toute vitesse sur les traces des bandits. Il n'y avait qu'une route possible pour les autos, donc il fallait seulement lutter de vitesse avec ceux qu'on voulait rejoindre. C'était l'affaire du Watman, du moteur et des pneus. Pendant qu'on roulait, Gabriel et l'amorce tirèrent des coffres de la voiture tout ce qu'il fallait pour soigner le chef, lui faire recouvrer ses esprits. La route était droite, admirable pour une poursuite de ce genre, avec du léger vallonnement, de sorte que l'auto en fuite disparaissait au loin puis reparaissait. C'était une chasse passionnante. On suivait l'auto à l'allure de ses phares. Il sembla bientôt que l'auto du détective gagnait beaucoup sur l'autre. « Nous l'attrapons !» dit le chauffeur. « Nous gagnons !» Dans l'intérieur, avec de l'eau, Gabriel et l'amorce avaient nettoyé la figure du chef. Le froid lui fit grand bien, et un peu de cordial l'acheva de le rappeler à lui. Gabriel alors lui fit un pansement sommaire. La peau seule était entamée. « Le crâne est de bonne qualité !» furent les premiers mots que dit le détective en souriant, et il demanda « Où en sommes-nous de l'affaire ?» En deux mots, on le mit au courant. « Bon, rattrapons-les, rattrapons-les. Nous tenons nos hommes. Nous tenons les cambrioleurs du notaire, les assassins du banquier. Nous tenons la fameuse bande des aides, et l'un de ces hommes est le comte de la Guérinière. » La route s'allongeait toujours, dévorée furieusement par les deux autos. Maintenant, on pouvait calculer que dans quelques minutes, l'auto du détective serait sur celle des fuyards. Tout à coup, l'arrière de la capote de la voiture qu'on poursuivait s'abattit, et des coups de feu furent tirés sur celle de Paulin Broquet. « Ah ! » fit le détective. « Il nous canarde !» Il s'arma aussitôt d'un revolver. Gabriel et l'amorce s'en firent autant, et par l'avant de leur auto, ils répondirent aux coups de feu des compagnons du comte de la Guérinière. Mais ce tir, avec les trépidations des moteurs, les bonds des pneus, manquait tout à fait de précision. Il devait être inefficace. On échangea ainsi, dans ce duel d'auto, une centaine de balles, et selon la célèbre formule, sans résultat. Cependant, Paulin Broquet ayant fait feu, on vit l'un des bandits retomber en arrière. « Celui-là en tient » s'écria-t-on autour du détective. Le feu des bandits cessa, leur provision de cartouches devait être épuisée, et la distance qui séparait les voitures maintenant diminuait de plus en plus. « Presse, presse !» disait Paulin Broquet à son chauffeur. « Mets toute l'avance à l'allumage !» Il semblait que le détective, à présent, voulait prendre la voiture des bandits à l'abordage, comme au temps de la course en mer on eût fait d'un navire de pirates. Mais les bandits, n'ayant plus de cartouches pour leurs revolvers, ne s'adressèrent plus à Paulin Broquet et à ses hommes. Ils s'attaquèrent à leur voiture même. Sur la route, ils semèrent non des clous, des tessons de bouteilles dont ils savaient les effets insignifiants sur des pneus protégés. Ils jetèrent des petits appareils en forme de Z, très ouverts, dont les bouées filées était tordu de telle façon qu'une des pointes était toujours en l'air. Le chauffeur vit le mouvement, comprit que les bandits semaient un engin quelconque, mais dans la nuit il lui était impossible de voir ce que c'était, et également impossible de l'éviter à terre. « Va quand même !» lui dit Paulin Broquet. « Va quand même, il faut les rattraper !» La chance leur restait d'éviter ces engins dont d'ailleurs les bandits ne devaient pas avoir grande provision. Puis on apercevait enfin les lueurs des premières maisons d'une ville. Bien qu'à par ailleurs cette cité dût être endormie et eût ses rues désertes, il fallait à toute force ralentir, soit à cause du pavé, soit par crainte de l'encombrement des rues, car ni ville, ni village en France, n'a pu encore se décider à perdre la fâcheuse habitude de regarder la rue comme annexe des maisons. Si l'on gagnait cette ville, c'était la victoire. On rejoignait sûrement le comte de la Guérinière et ses compagnons. « Il y aura combat, » dit Paulin Broquet, « et dur, probablement. » « Ça va, chef. s'écrièrent les détectives. « Ça va, on vous vengera, on leur fera payer cher votre blessure. » En prévision de cette bataille, Paulin Broquet et ses hommes s'étaient armés, comme devaient l'être sûrement les bandits, de massues en caoutchouc. Il fallait ici ne pas être, comme tout à l'heure Paulin Broquet, désarmé en face de ces hardis coquins. Dans l'auto des bandits, ils étaient 5 hommes et le chauffeur qui sans doute prendrait part à la bataille. Paulin Broquet n'avait avec lui que 3 hommes en comptant le chauffeur, mais cette infériorité de 2 hommes était atténuée. Paulin Broquet avait dû forcément endommager celui qu'il avait jeté à terre d'un coup de poing, et on avait vu tomber en arrière un des bandits atteint certainement d'un coup de revolver. Maintenant, les voitures n'étaient plus qu'à 20 mètres. La lutte, la course de vitesse, devenait passionnante. « Reste à cette distance, » dit Paulin Broquet à son chauffeur. « Ne gagne plus. Pense à l'arrêt brusque. » Recommandation prudente, en effet. Il fallait prévoir un arrêt brusque de l'auto des bandits, provoqué par un de ces hasards auxquels sont soumises toutes courses en auto. Il fallait avoir le temps de freiner, l'espace de s'arrêter sans aller se jeter sur l'obstacle, sans s'écraser sur la voiture qu'on voulait atteindre. Il devenait en outre certain que les bandits, se voyant sur le point d'être atteints, allaient user d'un nouveau stratagème pour arrêter enfin les détectives dans leur poursuite. Par conséquent, il fallait avoir le loisir de parer. Mais sans doute l'imagination du comte de la Guérinière et de ses compagnons était beaucoup moins fertile que Paulin Broquet ne le supposait, car les fuyards se contentèrent de semer encore des clous à 2 pointes. Cette fois, les voitures étaient si proches que les bandits pouvaient, au lieu de jeter ces pointes au hasard sur la route, les poser, pour ainsi dire, dans le sens même des roues de l'auto de Paulin Broquet, sur le terrain que fatalement les roues devaient parcourir. L'intention était bonne, ou mauvaise plutôt, elle réussit. Une détonation formidable apprit aux détectives qu'un de leurs pneus avait été mordu et venait d'éclater. Le chauffeur poussa un juron de colère. « Roule, roule toujours !» lui cria Paulin Broquet. « Gagne-les, quand tu devrais rouler sur la jante !» Hélas, c'est ainsi que souvent les événements les plus stupides empêchent la réussite des meilleures combinaisons. L'enveloppe ferrée du pneu qui venait de crever, n'étant plus soutenue par le pneu dégonflé, flotta, puis se détacha, et vint s'agripper à la roue d'arrière. Ce fut un miracle si l'auto ne culbuta pas. Le chauffeur avait eu la présence d'esprit de couper aussitôt son allumage, de bloquer à fond. Les 2 pneus arrière patinèrent affreusement sur la route, grattèrent le sol et se détériorèrent, mais la voiture stoppa. Les bandits alors agitèrent les bras, tirèrent leurs mouchoirs pour dire adieu, et poussant des cris de joie, continuèrent triomphalement leur route à toute vitesse, faisant tant qu'ils pouvaient résonner leurs trompes. Le chauffeur de Paulin Broquet sauta bas de sa voiture et alla se rendre compte des dégâts, tout en tendant vers les fuyards un poing furieux et leur criant « Canaille, bas !» Gabriel et Lamorce frémissaient de rage. Ils se tournèrent vers leur chef. Devant ce désastre que rien en ce moment ne pouvait atténuer, Paulin Broquet, très calme, tira une cigarette et l'alluma tout tranquillement.